Chacun des jours y a calendrier. Et comme il casse, nous va les trois nous au cobra. Ma émission aussi la terre. Et que si la terre, maman, ponina, aucun des qu'on rejoindra papa. Maman, je t'aime tant. Maman, il paye au qui est au cul côté, non papa. Pardonnez, nous soyons à la cure reprochée. Ba ki se la yibu mwa koma ku seka seka Sokyo la mi par nana pesa mwa didi Bebe na yo ya ki nana yi vraiment trop tôt Didi rebo, papa la pupu Me na eme la magali Maman ami, ma maman, mon ami Maman e pa oki pesa mwa makasi Toujours lanze lanze me na fe la musala La colisse va cocono, un jour on peut pas comme un bateau. Maman, ok, yo, tikinyo, soto, yo, pesaki, nasimalayo, kanyako, yimbo, salé la monnaie, yo. Maman, mami, maman, merci. Mettez yo, ya, télé, ya, télé, l'oubile, l'omoui. Mettez yo, ya, Maman, maman, maman, qui vit à ses assez à voyer. Nous vivons jusqu'à mon dernier jour. Maman, ça qui est à l'imoui, mais il n'y est. Maman, il y a son image. La tika te kolou la bateau basana ba maman Koutou ya kanou ki na retrouve maman la bandoto Maman mozo vive elle et moi Maman oke yi kasi yo za we Maman oti maman Désormais n'a qu'on n'a pas porté pour délai Bandana 18h15 du matin Moi y biso qui a y akouma ne va quitter Maman woke yi n'a n'y a qu'on fan de l'ango Ni tout kananga désormais pas du carburant N'a koke ne wa pi pendant le kanange Maman woke Attends j'ai payé c'est quoi Tu veux te adresser pas yosa Mama kolisanga na mbuma ya loso Toko moko miti ubekalisa kabana na ye Ata tozanga kimisi ya soso mpea ngombe Na chake mbuma ya loso mama zara kutia bulungo Lelo la komife mutu na botibana Mama mbi Alazala que vanga va con la suya humanitaire Echale más que por la vaso Suga y putombo Avalelo a huaraki Con la suya ni cuerpo es mamá El don dice la mata a mi Mi abuelo a mamá No va a poner yo a rato Mi mamá y pique So familia Mwananko ile lako mi mwanitike Moke moke lwe wale wale kani na mpongye Tato ya sika baku ya kuzwe baku misa eni madomestike Elo nye mama shake mila shake ndoto Ndoto elo nye mama filmo yu ili kibatizo tunyusu ya novelas Je t'aime maman bien plus que je ne t'aimais Sans vous maman jamais là le temps passé Qu'à la fin d'un jour je te ferai respecter Dans mon cœur maman tu seras toujours vivante Et croyons à l'actif de la grave révision La première fois tous les amis à vous sont Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aï